Audiomatic. We'll be right back. Le projet de Mugris de l'artiste chilien Mauricio Romero lançait cette transmission 1.8.4 d'Audiomatique avec la pièce A New Psychedelic Era, tirée de son tout nouveau mini-album intitulé Graviota on Acid, album qui est offert en téléchargement gratuit sur le profil Bandcamp de l'étiquette Discos Cetaceos. Le lien vers le téléchargement de cet album de Mugris est disponible sur le profil Facebook d'Audiomatique à facebook.com/audiomatique-cfou. Les électronistes vous accueillent sans plus de préambule en réactivant la programmation musicale d'Audiomatique à l'instant avec la formation de Knife. Ice fire, do you know what I'm getting through? Or are you trying to fool a pimp? A two-pole surfer who doesn't give a shit, yeah. To new immensely large of arrays of deep dry drip foams of a science that you can't even get. Straight to your membrane. But the hat thrown, yeah. 2 and 2 is black. $19.99, forget this shit. Chacha, when it grows, that you can't even get straight with. I am Sapphire. Do you know what I am? Trying to get. Cause, this is the time where I'm gonna see you running. From my misled time frame, 1999, forget that shit, cause we're gonna sit next to the Bruce Pitt. Put out icons, give a direction, have them all together fighting for one big Le duo allemand Fever vient tout juste de clore cette séquence musicale audiomatique avec leur composition See You Running, tirée de leur deuxième et dernier album Too Bad But True, lancé en 1998. Et le duo suédois de Knife amorçait le tout avec We Share Our Mother's Health de leur album Silent Shout. Mentionnons que la chanteuse Karine Dreyer sera de passage à Montréal le 16 mai prochain au MTELUS avec son projet Fever Ray, qui a sorti son deuxième album Plunge sur support numérique à la fin de l'année dernière et le 23 février dernier sur support physique. Toujours à Audiomatique, écoutons maintenant une pièce du projet Conjure One. Thank you. lancé sur la musique du duo israélien Infected Mushrooms que se concluait cette séquence de deux pièces à Audiomatic. Nous entendions la pièce Yamakas in Space de leur album Converting Vegetarians 2, sorti en 2016, et album sur lequel les deux artistes s'éloignent de leur style habituel pour explorer davantage les atmosphères down-tempo ambiantes et même touchant parfois au rock progressif. Sachez également qu'Infected Mushrooms sera à Trois-Rivières le 27 avril en formule DJ set au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco. Pour ceux qui aimeraient plutôt les voir faire leur propre pièce en concert, il faudra vous rendre au Métropolis de Montréal le 21 avril ou à l'Impérial de Québec le 26 avril. Et avant Infected Mushrooms, on entendait le projet solo de l'artiste Rhys Fulber, à savoir Conjure One, et la pièce Miscreant de son plus récent album intitulé Holocénic. Audiomatic, encore et toujours. Bye. Attention all personnel. Ce segment d'Audiomatique se concluait avec le projet Biobazar mené par l'artiste multidisciplinaire trifluvien Danny Janvier, de qui nous entendions la pièce « Matin pluvieux », extraite de son plus récent album intitulé « Alphabet 7 », qui est disponible sur son profil biobazar.bandcamp.com. Sur cet album, Danny Janvier explore des sonorités analogues et développe des progressions musicales délicates qui dépeignent des atmosphères immersives. Précédemment, à Biobazar, on avait droit au groupe américain Pressurehead qui nous présentait leur composition Turbo Pause de leur album Infadrome. Et pour débuter, nous avons choisi de diffuser la musique du Canadien Jeremy Shaw et son projet Circle Square. Sa chanson s'intitulait All Sleepers et est tirée de son premier album Pre-Earthquake Anthem. Le projet suédois Desideri Marginis nous offre My Diamond in the Rough en guise de conclusion à cette transmission 184 d'Audiomatique. Cette pièce est tirée de son album intitulé Seven Sorrows, un album qui est paru en 2007 sur la célèbre étiquette, mais aussi maintenant défunte étiquette Cold Meat Industry. Audiomatique en sera à sa transmission 185 mercredi prochain et c'est sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM dès 17h que vous pourrez la découvrir en direct. Pour le reste, vous avez le loisir d'écouter quand bon vous semble les anciennes émissions en balado-diffusion qui sont archivées, entre autres, sur mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU. Voici donc, pour conclure, Desideri Marginis et la pièce My Diamond in the Rough. Une bonne écoute, une bonne semaine. C'était Audiomatique avec les électronistes. inside, outside, on the ground, all the hidden places. Your understanding.